Bilan. Activité 1. Page 90. Piste 69. Maintenant, c'est la météo de la semaine. Lundi, il fait du vent. De mardi à vendredi, la neige tombe. Il fait mauvais. Samedi et dimanche, il fait du soleil.